Section 8 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Deuxième partie, livre 3e, La Convention. Chapitre 1, La Convention. Titre 1. Nous approchons de la grande cime. Voici la Convention. Le regard devient fixe en présence de ce sommet. Jamais rien de plus haut n'est apparu sur l'horizon des hommes. Il y a l'Himalaya et il y a la Convention. La Convention est peut-être le point culminant de l'histoire. Du vivant de la Convention, car cela vit une assemblée, on ne se rendait pas compte de ce qu'elle était. Ce qui échappait aux contemporains, c'était précisément sa grandeur. On était trop effrayé pour être ébloui. Tout ce qui est grand a une horreur sacrée. Admirer les médiocres et les collines, c'est aisé. Mais ce qui est trop haut, un génie aussi bien qu'une montagne, une assemblée aussi bien qu'un chef-d'œuvre, vu de trop près, épouvante. Toute cime semble une exagération. Gravir fatigue. On s'essouffle aux escarpements, on glisse sur les pentes, on se blesse à des aspérités qui sont des beautés. Les torrents, en écumant, dénoncent les précipices. Les nuages cachent les sommets. L'ascension terrifie autant que la chute. De là, plus d'effroi que d'admiration. On éprouve ce sentiment bizarre, l'aversion du grand. On voit les abîmes, on ne voit pas les sublimités. On voit le monstre, on ne voit pas le prodige. Ainsi fut d'abord jugée la Convention. La Convention fut toisée par les myopes, elle, faite, pour être contemplée par les aigles. Aujourd'hui, elle est en perspective, et elle dessine sur le ciel profond, dans un lointain serein et tragique, l'immense profil de la Révolution française. Titre 2. Le 14 juillet avait délivré. Le 10 août avait foudroyé. Le 21 septembre fonda. Le 21 septembre, l'équinoxe, l'équilibre, Libra, la balance. Ce fut, suivant la remarque de Rome, sous ce signe de l'égalité et de la justice, que la République fut proclamée. Une constellation fit l'annonce. La Convention est le premier avatar du peuple. C'est par la Convention que souffrit la grande page nouvelle et que l'avenir d'aujourd'hui commença. À toute idée, il faut une enveloppe visible. À tout principe, il faut une habitation. Une église, c'est Dieu entre quatre murs. À tout dogme, il faut un temple. Quand la Convention fut, il y eut un premier problème à résoudre. Loger la Convention. On prit d'abord le manège, puis les Tuileries. On y dressa un châssis, un décor, une grande grisaille peinte par David, des bancs symétriques, une tribune carrée, des pilastres parallèles, des socles pareils à des billots, de longues étraves rectilignes, des alvéoles rectangulaires où se pressait la multitude et qu'on appelait les tribunes publiques, un vélarium romain, des draperies grecques et, dans ses angles droits et dans ses lignes droites, on installa la Convention. Dans cette géométrie, on mit la tempête. Sur la tribune, le bonnet rouge était peint en gris. Les royalistes commencèrent par rire de ce bonnet rouge gris, de cette salle postiche, de ce monument de carton, de ce sanctuaire de papier mâché, de ce panthéon de boue et de crachats. Comme cela devait disparaître vite. Les colonnes étaient en douves de tonneaux, les voûtes étaient en volige, les bas-reliefs étaient en mastic, les entablements étaient en sapin, les statues étaient en plâtre, les marbres étaient en peinture, les murailles étaient en toile, et, dans ce provisoire, la France a fait de l'éternel. Les murailles de la salle du manège, quand la Convention vint y tenir séance, étaient toutes couvertes des affiches qui avaient pullulé dans Paris, à l'époque du retour de Varennes. On lisait sur l'une « Le roi rentre, bâtonner qu'il applaudira, pendre qu'il insultera !» Sur une autre « Paix là, chapeau sur la tête, il va parler devant ses juges !» Sur une autre « Le roi a couché la nation en joue, il a fait long feu, à la nation de tirer maintenant !» Sur une autre « La loi, la loi !» Ce fut entre ces murs-là que la Convention jugea Louis XVI. Aux Tuileries, où la Convention vint siéger le 10 mai 1793, et qui s'appelèrent le Palais National, la salle des séances occupait tout l'intervalle entre le pavillon de l'horloge, appelé pavillon Unité, et le pavillon Marsan, appelé pavillon Liberté. Le pavillon de Flore s'appelait pavillon Égalité. C'est par le grand escalier de Jean Bulhand qu'on montait à la salle des séances. Sous le premier étage, occupé par l'Assemblée, tout le rez-de-chaussée du palais était une sorte de longue salle des gardes, encombrée des faisceaux et des lits de camp des troupes de toutes armes qui veillaient autour de la Convention. L'Assemblée avait une garde d'honneur qu'on appelait les grenadiers de la Convention. Un ruban tricolore séparait le château où était l'Assemblée du jardin où le peuple allait et venait. Titre 3. Ce qu'était la salle des séances, achevons de le dire, tout intéresse de ce lieu terrible. Ce qui, en entrant, frappait d'abord le regard, c'était entre deux larges fenêtres une haute statue de la liberté. 42 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, 11 mètres de hauteur. Telles étaient les dimensions de ce qui avait été le théâtre du roi et de ce qui devint le théâtre de la Révolution. L'élégante et magnifique salle, bâtie par Vigarani pour les courtisans, disparut sous la sauvage charpente qui, en 93, dut subir le poids du peuple. Cette charpente, sur laquelle s'échafaudaient les tribunes publiques, avait, détail qui vaut la peine d'être noté, pour point d'appui unique un poteau. Ce poteau était d'un seul morceau et avait 10 mètres de portée. Peu de cariatides ont travaillé comme ce poteau. Il a soutenu pendant des années la rude poussée de la Révolution. Il a porté l'acclamation, l'enthousiasme, l'injure, le bruit, le tumulte, l'immense chaos des colères, l'émeute. Il n'a pas fléchi. Après la Convention, il a vu le Conseil des Anciens. Le 18 Brumaire l'a relayé. Percier, alors, remplaça le pilier de bois par des colonnes de marbre, qui ont moins duré. L'idéal des architectes est parfois singulier. L'architecte de la rue de Rivoli a eu pour idéal la trajectoire d'un boulet de canon. L'architecte de Karlsruhe a eu pour idéal un éventail, un gigantesque tiroir de commode. Tel semble avoir été l'idéal de l'architecte qui construisit la salle où la Convention vint siéger le 10 mai 1793. C'était long, haut et plat. À l'un des grands côtés du parallélogramme était adossé un vaste demi-cirque. C'était l'amphithéâtre des bancs des représentants, sans table ni pupitre. Garan Coulon, qui écrivait beaucoup, écrivait sur son genou. En face des bancs, la tribune. Devant la tribune, le buste de Lepelletier Saint-Fargeau. Derrière la tribune, le fauteuil du président. La tête du buste dépassait un peu le rebord de la tribune, ce qui fit que plus tard, on l'ôta de là. L'amphithéâtre se composait de 19 bancs demi-circulaires, étagés les uns derrière les autres. Des tronçons de bancs prolongeaient cet amphithéâtre dans les deux encoignures. En bas, dans le fer à cheval au pied de la tribune, se tenaient les huissiers. D'un côté de la tribune, dans un cadre de bois noir, était appliquée au mur une pancarte de 9 pieds de haut, portant, sur deux pages séparées par une sorte de sceptre, la Déclaration des droits de l'homme. De l'autre côté, il y avait une place vide, qui, plus tard, fut occupée par un cadre pareil contenant la Constitution de l'an 2, dont les deux pages étaient séparées par un glaive. Au-dessus de la tribune, au-dessus de la tête de l'orateur, frissonnaient, sortant d'une profonde loge à deux compartiments, pleine de peuple, trois immenses drapeaux tricolores, presque horizontaux, appuyés à un autel sur lequel on lisait ce mot, la loi. Derrière cet autel se dressait, comme la sentinelle de la parole libre, un énorme faisceau romain, haut comme une colonne. Des statues colossales, droites contre le mur, faisait face aux représentants. Le président avait à sa droite Lycurge et à sa gauche Solon. Au-dessus de la montagne, il y avait Platon. Ces statues avaient pour piédestaux de simples dés, posés sur une longue corniche chaillante qui faisait le tour de la salle et séparait le peuple de l'assemblée. Les spectateurs s'accoudaient à cette corniche. Le cadre de bois noir du placard des droits de l'homme montait jusqu'à la corniche et entamait le dessin de l'entablement, effraction de la ligne droite qui faisait murmurer Chabot. C'est laid, disait-il à Vadier. Sur les têtes des statues alternaient des couronnes de chêne et de laurier. Une draperie verte, où étaient peintes en vert plus foncé les mêmes couronnes, descendait à gros plis droit de la corniche de pourtour et tapissait tout le rez-de-chaussée de la salle occupée par l'assemblée. Au-dessus de cette draperie, la muraille était blanche et froide. Dans cette muraille se creusaient, coupés comme un emporte-pièce, sans moulure ni rinceau, deux étages de tribune publique, les carrés en bas, les rondes en haut. Selon la règle, car Vitruve n'était pas détrôné, les archivoltes étaient superposés aux architraves. Il y avait 10 tribunes sur chacun des grands côtés de la salle et, à chacune des deux extrémités, deux loges démesurées, en tout 24. Là s'entassaient les foules. Les spectateurs des tribunes inférieures débordaient sur tous les plats-bords et se groupaient sur tous les reliefs de l'architecture. Une longue barre de fer, solidement scellée à hauteur d'appui, servait de garde-fou aux tribunes hautes et garantissait les spectateurs contre la pression des cohues montant les escaliers. Une fois pourtant, un homme fut précipité dans l'assemblée. Il tomba un peu sur Massieu, évêque de Beauvais, ne se tua pas et dit « Tiens, c'est donc bon quelque chose un évêque !» la salle de la convention pouvait contenir 2000 personnes et les jours d'insurrection, 3000. La convention avait deux séances, une du jour, une du soir. Le dossier du président était rond, à clous dorés. Sa table était contrebutée par quatre monstres ailés à un seul pied, qu'on eût dit sortis de l'apocalypse pour assister à la révolution. Il semblait avoir été dételé du char d'Ézéchiel pour venir traîner le tombereau de Samson. Sur la table du président, il y avait une grosse sonnette, presque une cloche, un large encrier de cuivre et un in-folio relié en parchemin, qui était le livre des procès-verbaux. Des têtes coupées, portées au bout d'une pique, se sont égouttées sur cette table. On montait à la tribune par un degré de 9 marches. Ces marches étaient hautes, roides et assez difficiles. Elles firent un jour trébucher Jansonnet qui les gravissait. « C'est un escalier d'échafaud, dit-il. Faites ton apprentissage !» lui cria Carrier. Là où le mur avait paru trop nu, dans les angles de la salle, l'architecte avait appliqué pour ornement des faisceaux, la hache en dehors. À droite et à gauche de la tribune, des socles portaient deux candélabres de 12 pieds de haut, ayant à leur sommet 4 paires de quinquets. Il y avait dans chaque loge publique un candélabre pareil. Sur les socles de ces candélabres étaient sculptés des ronds que le peuple appelait « colliers de guillotine ». Les bancs de l'assemblée montaient presque jusqu'à la corniche des tribunes. Les représentants et le peuple pouvaient dialoguer. Les vomitoires des tribunes se dégorgeaient dans un labyrinthe de corridors, plein parfois d'un bruit farouche. La convention encombrait le palais et refluait jusque dans les hôtels voisins. L'hôtel de Longueville, l'hôtel de Coigny. C'est à l'hôtel de Coigny qu'après le 10 août, si l'on en croit une lettre de Lord Bradford, on transporta le mobilier royal. Il fallut 2 mois pour vider les Tuileries. Les comités étaient logés aux environs de la salle, au pavillon Égalité, la législation, l'agriculture et le commerce. Au pavillon Liberté, la marine, les colonies, les finances, les assignats, le salut public. Au pavillon Unité, la guerre. Le comité de sûreté générale communiquait directement avec le comité de salut public par un couloir obscur, éclairé nuit et jour d'un réverbère, où allaient et venaient les espions de tous les partis. On y parlait bas. La barre de la convention a été plusieurs fois déplacée. Habituellement, elle était à la droite du président. Aux deux extrémités de la salle, les deux cloisons verticales qui fermaient du côté droit et du côté gauche les demi-cercles concentriques de l'amphithéâtre laissaient entre elles et le mur deux couloirs étroits et profonds sur lesquels s'ouvraient deux sombres portes carrées. On entrait et on sortait par là. Les représentants entraient directement dans la salle par une porte donnant sur la terrasse des Feuillants. Cette salle, peu éclairée le jour par de pâles fenêtres, mal éclairée quand venait le crépuscule par des flambeaux livides, avait on ne sait quoi de nocturne. Ce demi-éclairage s'ajoutait aux ténèbres du soir. Les séances aux lampes étaient lugubres. On ne se voyait pas. D'un bout de la salle à l'autre, de la droite à la gauche, des groupes de faces vagues s'insultaient. On se rencontrait sans se reconnaître. Un jour, Laignelot, courant à la tribune, se heurte dans le couloir de descente à quelqu'un. « Pardon, Robespierre, dit-il. »« Pour qui me prends-tu ? » répond une voix rauque. « Pardon, Marat, dit Laignelot. » En bas, à droite et à gauche du président, deux tribunes étaient réservées. Car, chose étrange, il y avait à la convention des spectateurs privilégiés. Ces tribunes étaient les seules qui eussent une draperie. Au milieu de l'architrave, deux glands d'or relevaient cette draperie. Les tribunes du peuple étaient nues. Tout cet ensemble était violent, sauvage, régulier, le correct dans le farouche. C'est un peu toute la révolution. La salle de la convention offrait le plus complet spécimen de ce que les artistes ont appelé depuis l'architecture Messidor. C'était massif et grêle. Les bâtisseurs de ce temps-là prenaient le symétrique pour le beau. Le dernier mot de la Renaissance avait été dit sous Louis XV et une réaction s'était faite. On avait poussé le noble jusqu'au fade et la pureté jusqu'à l'ennui. La pruderie existe en architecture. Après les éblouissantes orgies de formes et de couleurs du XVIIIe siècle, l'art s'était mis à la diète et ne se permettait plus que la ligne droite. Ce genre de progrès aboutit à la laideur. L'art réduit au squelette, tel est le phénomène. C'est l'inconvénient de ces sortes de sagesse et d'abstinence. Le style est si sobre qu'il devient maigre. En dehors de toute émotion politique, et à ne voir que l'architecture, un certain frisson se dégageait de cette salle. On se rappelait confusément l'ancien théâtre, les loges enguirlandées, le plafond d'azur et de pourpre, le lustre à facettes, les girandoles à reflets de diamants, les tentures gorges de pigeons, la profusion d'amour et de nymphes sur le rideau et sur les draperies, toute l'idylle royale et galante, peinte, sculptée et dorée, qui avait empli de ce sourire ce lieu sévère. Et l'on regardait partout autour de soi ces durs angles rectilignes, froids et tranchants, comme l'acier. C'était quelque chose comme bouché, guillotiné par David. Titre 4. Qui voyait l'assemblée ne songeait plus à la salle. Qui voyait le drame ne pensait plus au théâtre. Rien de plus difforme et de plus sublime. Un tas de héros, un troupeau de lâches, des fauves sur une montagne, des reptiles dans un marais. Là, fourmillaient, se coudoyaient, se provoquaient, se menaçaient, luttaient et vivaient tous ces combattants qui sont aujourd'hui des fantômes. Dénombrement titanique. À droite, la Gironde, légion de penseurs. À gauche, la montagne, groupe d'athlètes. D'un côté, Brissot, qui avait reçu les clés de la Bastille. Barbaroux, auquel obéissaient les Marseillais. Kervélégan, qui avait sous la main le bataillon de Brest, caserné au faubourg Saint-Marceau. Jansonnet, qui avait établi la suprématie des représentants sur les généraux. Le fatal Gadet, auquel une nuit, aux Tuileries, la reine avait montré le dauphin endormi. Gadet baisa le front de l'enfant et fit tomber la tête du père. Salles, le dénonciateur chimérique des intimités de la montagne avec l'Autriche. Sillery, le boiteux de la droite comme Couthon était le Cujat de la gauche. Loz du Perret, qui, traité de scélérat par un journaliste, l'invita à dîner en lui disant « Je sais que scélérat veut simplement dire l'homme qui ne pense pas comme nous ». Rabaud-Saint-Étienne, qui avait commencé son almanach de 1790 par ce mot « La révolution est finie ». Quinette, un de ceux qui précipitaient à Louis XVI. Le janséniste Camus, qui rédigeait la constitution civile du clergé, croyait au miracle du diacre Paris et se prosternait toutes les nuits devant un Christ de 7 pieds de haut, cloué au mur de sa chambre. Fauchet, un prêtre qui, avec Camille Desmoulins, avait fait le 14 juillet. Isnard, qui commit le crime de dire « Paris sera détruit », au moment même où Brunswick disait « Paris sera brûlé ». Jacob Dupont, le premier, cria « Je suis athée », et à qui Robespierre répondit « L'athéisme est aristocratique ». Longinet, dur, sagace et vaillante tête bretonne. Ducos, l'Orial de Boyer-Fonfred. Robéqui, le Pilate de Barbaroux. Robéqui donnait sa démission parce qu'on n'avait pas encore guillotiné Robespierre. Richaud, qui combattait la permanence des sections. La Source, qui avait émis cet apophtème meurtrier, malheur aux nations reconnaissantes, et qui, au pied de l'échafaud, devait se contredire par cette fière parole jetée aux montagnards. Nous mourrons parce que le peuple dort, et vous mourrez parce que le peuple se réveillera. Birotteau, qui fit décréter l'abolition de l'inviolabilité, fut ainsi, sans le savoir, le forgeron du couperet, et dressa l'échafaud pour lui-même. Charles Villette, qui abrita sa conscience sous cette protestation. « Je ne veux pas voter sous les couteaux !» Louvet, l'auteur de Faublas, qui devait finir libraire au Palais-Royal avec Lodoïska au comptoir. Mercier, l'auteur du tableau de Paris qui s'écriait « Tous les rois ont senti sur leur nuque le 21 janvier !» Marek, qui avait pour souci la faction des anciennes limites. Le journaliste Cara, qui, au pied de l'échafaud, dit au bourreau « Ça m'ennuie de mourir, j'aurais voulu voir la suite !» Vigée, qui s'intitulait Grenadier dans le 2e bataillon de Mayenne-et-Loire, et qui, menacé par les tribunes publiques, s'écriait « Je demande qu'au premier murmure des tribunes, nous nous retirions tous et marchions à Versailles, le sabre à la main !» Buzot, réservé à la mort de faim, Valazé, promis à son propre poignard, Condorcet, qui devait mourir à Bourg-la-Reine, devenu Bourg-Égalité, dénoncé par l'Horace qu'il avait dans sa poche, Pétion, dont la destinée était d'être adoré par la foule en 1792, et dévoré par les loups en 1794. 20 autres encore, Pontécoulant, Marbose, Lidon, Saint-Martin, Dussault, traducteur de Juvenal qui avait fait la campagne de Hanovre, Boileau, Bertrand, Lestat-Beauvais, Lesage, Gomère, Gardien, Mainvieille, Duplantier, Lacaze, Antiboule, et en tête, un barnave qu'on appelait Vergniaud. De l'autre côté, Antoine-Louis-Léon Florel de Saint-Just, pâle, front bas, profil correct, œil mystérieux, tristesse profonde, 23 ans. Merlin de Thionville, que les Allemands appelaient Feuerteufel, le diable de feu. Merlin de Douai, le coupable auteur de la loi des suspects. Soubrani, que le peuple de Paris, au premier prairial, demanda pour général. L'ancien curé Lebon, tenant un sabre de la main qui avait jeté de l'eau bénite. Billot-Varenne, qui entrevoyait la magistrature de l'avenir. Pas de juge, des arbitres. Fabre d'Églantine, qui eut une trouvaille charmante. Le calendrier républicain, comme Rouget de Lille eut une inspiration sublime, la Marseillaise, mais l'un et l'autre sans récidive. Manuel, le procureur de la commune qui avait dit « Un roi mort n'est pas un homme de moins ». Goujon, qui était entré dans Tripstad, dans Newstad et dans Spire, et avait vu fuir l'armée prussienne. Lacroix, avocat changé en général, fait chevalier de Saint-Louis 6 jours avant le 10 août. Fréron Tersite, fils de Fréron Zoil. Rull, l'inexorable fouilleur de l'armoire de fer, prédestiné au grand suicide républicain, devant se tuer le jour où mourait la République. Fouché, âme de démon face de cadavre. Camboulas, l'ami du père Duchesne, lequel disait à Guillotin « Tu es du club des Feuillants, mais ta fille est du club des Jacobins. » Jagot, qui à ceux qui plaignaient la nudité des prisonniers répondait « Une prison est un habit de pierre. » Javogue, l'effrayant déterreur des tombeaux de Saint-Denis. Osselin, proscripteur qui cachait chez lui une proscrite, Madame Chary. Bintabol, qui lorsqu'il présidait, faisait signe aux tribunes d'applaudir ou de huer. Le journaliste Robert, mari de Mademoiselle de Caraglio, laquelle écrivait « Ni Robespierre ni Marat ne viennent chez moi. Robespierre y viendra quand il voudra, Marat jamais. » Garan Coulon, qui avait fièrement demandé, quand l'Espagne était intervenue dans le procès de Louis XVI, que l'Assemblée ne daignât pas lire la lettre d'un roi pour un roi. Grégoire, évêque, digne d'abord de la primitive Église, mais qui plus tard, sous l'Empire, effaça le républicain Grégoire par le comte Grégoire. Amar qui disait « Toute la terre condamne Louis XVI, à qui donc appeler le jugement? Aux planètes ?» Rouillé, qui s'était opposé le 21 janvier à ce qu'on tira le canon du Pont-Neuf, disant « Une tête de roi ne doit pas faire, en tombant, plus de bruit que la tête d'un autre homme. » Chénier, frère d'André. Vadier, un de ceux qui posaient un pistolet sur la tribune. Panis, qui disait à Momoro « Je veux que Marat et Robespierre s'embrassent à ma table chez moi. Où demeures-tu? À Charenton. » Ailleurs m'eût étonné, disait Momoro. Le gendre qui fut le boucher de la Révolution de France, comme Pride avait été le boucher de la Révolution d'Angleterre. « Viens que je t'assomme » criait-il à Langevinet. Et Langevinet répondait « Fais d'abord décréter que je suis un bœuf. » Collot d'Herbois, ce lugubre comédien ayant sur la face l'antique masque aux deux bouches qui disent oui et non, approuvant par l'une ce qu'il blâmait par l'autre. Flétrissant Carrier à Nantes et déifiant Chalier à Lyon, envoyant Robespierre à l'échappeau et Marat au Panthéon. Génicieux qui demandait la peine de mort contre quiconque aurait sur lui la médaille Louis XVI martyrisé. Léonard Bourdon, le maître d'école, qui avait offert sa maison au vieillard du Mont-Jura. Topsant, marin, Goupillot, avocat, Laurent Lecointre, marchand, Duhem, médecin, sergent, statuaire, David, peintre, Joseph Égalité, prince. D'autres encore. Lecointre Puyraveau, qui demandait que Marat fût déclaré par décret en état de démence. Robert Lindet, l'inquiétant créateur de cette pieuvre dont la tête était le comité de sûreté générale et qui couvrait la France de 21 000 bras qu'on appelait les comités révolutionnaires. Lebeuf, sur qui J'irai de près, dans son Noël des faux patriotes, avait fait ce vers. Lebeuf vit le gendre et beugla. Thomas Paine, américain et clément. Anacharsis Clout, allemand, baron, millionnaire, athée, hébertiste candide. L'intègre Lebas, l'ami des Duplay. Revers, un des rares hommes qui sont méchants pour la méchanceté, car l'art pour l'art existe plus qu'on ne croit. Charlier, qui voulait qu'on dit « vous » aux aristocrates. Talien, élégiaque et féroce, qui fera le neuf Thermidor par amour. Cambacérès, procureur qui sera prince. Carrier, procureur qui sera tigre. La Planche, qui s'écria un jour « je demande la priorité pour le canon d'alarme ». Thuriot, qui voulait le vote à haute voix des jurés du tribunal révolutionnaire. Bourdon de l'Oise, qui provoquait en duel Chambon, dénonçait Peine et était dénoncé par Hébert. Fayot, qui proposait l'envoi d'une armée incendiaire dans la Vendée. Tavaux, qui le 13 avril fut presque un médiateur entre la Gironde et la Montagne. Vernier, qui demandait que les chefs girondins et les chefs montagnards allassent servir comme simples soldats. Reufbel, qui s'enferma dans Mayence. Bourbotte, qui eut son cheval tué sous lui à la prise de Saumur. Gimbertot, qui dirigea l'armée des côtes de Cherbourg. Jacques Panvilliers, qui dirigea l'armée des côtes de La Rochelle. Le Carpentier, qui dirigea l'escadre de Cancale. Robert Jaud, qui attendait le guet-apens de Rastatt. Prieur de la Marne, qui portait dans les camps sa vieille contre-épaulette de chef d'escadron. Levasseur de la Sarthe, qui d'un mot décidait Serrant, commandant du bataillon de Saint-Armand, à se faire tuer. Reverchon, mort, Bernard de Sainte, Charles Richard, Le Quignot. Et, au sommet de ce groupe, un Mirabeau qu'on appelait Danton. En dehors de ces deux camps, et, les tenant tous deux en respect, se dressait un homme, Robespierre. Titre 5. Au-dessous se courbait l'épouvante, qui peut être noble, et la peur qui est basse. Sous les passions, sous les héroïsmes, sous les dévouements, sous les rages, la morne cohue des anonymes. Les bas-fonds de l'assemblée s'appelaient la plaine. Il y avait là tout ce qui flotte, les hommes qui doutent, qui hésitent, qui reculent, qui ajournent, qui épient, chacun craignant quelqu'un. La montagne, c'était une élite. La Gironde, c'était une élite. La plaine, c'était la foule. La plaine se résumait et se condensait en Seyès. Seyès, homme profond qui était devenu creux. Il s'était arrêté au tiers état et n'avait pu monter jusqu'au peuple. De certains esprits sont faits pour rester à mi-côte. Seyès appelait tigre Robespierre, qui l'appelait taupe. Ce métaphysicien avait abouti non à la sagesse, mais à la prudence. Il était courtisan et non serviteur de la Révolution. Il prenait une pelle et allait, avec le peuple, travailler au champ de Mars, attelé à la même charrette qu'Alexandre de Beauharnais. Il conseillait l'énergie dont il n'usait point. Il disait aux Girondins « Mettez le canon de votre parti. Il y a les penseurs qui sont les lutteurs. Cela était comme Condorcet avec Vergniaud, ou comme Camille Dumoulin avec Danton. Il y a les penseurs qui veulent vivre. Cela était avec Seyès. Les cuves, les plus généreuses, ont leur lit. Au-dessous même de la plaine, il y avait le marais. Stagnation hideuse, laissant voir les transparences de l'égoïsme. Là grelottait l'attente muette des trembleurs. Rien de plus misérable. Tous les opprobes et aucune honte. La colère latente. La révolte sous la servitude. Ils étaient cyniquement effrayés. Ils avaient tous les courages de la lâcheté. Ils préféraient la Gironde et choisissaient la montagne. Le dénouement dépendait d'eux. Ils versaient du côté qui réussissait. Ils livraient Louis XVI à Vergniaud, Vergniaud à Danton, Danton à Robespierre, Robespierre à Tallien. Ils pilorillaient Marat vivant et divinisaient Marat mort. Ils soutenaient tout jusqu'au jour où ils renversaient tout. Ils avaient l'instinct de la poussée décisive à donner à tout ce qui chancelle. À leurs yeux, comme s'ils étaient mis en service à la condition qu'on fût solide, chanceler, c'était les trahir. Ils étaient le nombre, ils étaient la force, ils étaient la peur. De là, l'audace des turpitudes. De là, le 31 mai, le 11 Germinal, le 9 Thermidor. Tragédie nouée par les géants et dénouée par les nains. Titre 6. À ces hommes, pleins de passion, étaient mêlés les hommes pleins de songes. L'utopie était là, sous toutes ses formes. Sous sa forme belliqueuse, qui admettait l'échafaud, et sous sa forme innocente, qui abolissait la peine de mort. Spectre du côté des trônes, ange du côté des peuples. En regard des esprits qui combattaient, il y avait les esprits qui couvaient. Les uns avaient dans la tête la guerre, les autres la paix. Un cerveau, Carnot, enfantait 14 armées. Un autre cerveau, Jean de Brie, méditait une fédération démocratique universelle. Parmi ces éloquences furieuses, parmi ces voix hurlantes et grondantes, il y avait des silences féconds. La canale se taisait et combinait dans sa pensée l'éducation publique nationale. L'Antenasse se taisait et créait les écoles primaires. La Révélière Lépau se taisait et rêvait l'élévation de la philosophie à la dignité de religion. D'autres s'occupaient de questions de détail plus petites et plus pratiques. Guiton de Morvaux étudiait l'assainissement des hôpitaux. Maire, l'abolition des servitudes réelles. Jambon Saint-André, la suppression de la prison pour dette et de la contrainte par corps. Rome, la proposition de Chape. Duboé, la mise en ordre des archives. Coran Fustier, la création du cabinet d'anatomie et du muséum d'histoire naturelle. Guyomard, la navigation fluviale et le barrage de l'Escaut. L'art avait ses fanatiques et même ses monomanes. Le 21 janvier, pendant que la tête de la monarchie tombait sur la place de la Révolution, Bézard, représentant de l'Oise, allait voir un tableau de Rubens, trouvé dans un galetas de la rue Saint-Lazare. Artiste, orateur, prophète, homme colosse comme Danton, homme enfant comme Klutz, gladiateur et philosophe, tous allaient au même but, le progrès. Rien ne les déconcertait. La grandeur de la Convention fut de chercher la quantité de réel qui est dans ce que les hommes appellent l'impossible. À l'une de ses extrémités, Robespierre avait l'œil fixé sur le droit. À l'autre extrémité, Condorcet avait l'œil fixé sur le devoir. Condorcet était un homme de rêverie et de clarté. Robespierre était un homme d'exécution. Et, quelquefois, dans les crises finales des sociétés vieillies, exécution signifie extermination. Les révolutions ont deux versants, montée et descente, et portent, étagées sur ces versants toutes les saisons, depuis la glace jusqu'aux fleurs. Chaque zone de ces versants produit les hommes qui conviennent à son climat, depuis ceux qui vivent dans le soleil jusqu'à ceux qui vivent dans la foudre. Titre 7. On se montrait le repli du couloir de gauche, où Robespierre avait dit bas à l'oreille de Gara, l'ami de Clavière, ce mot redoutable. Clavière a conspiré partout où il a respiré. Dans ce même recoin, commode aux apartés et aux colères à demi-voix, Fabre d'Églantine avait curé les Roms et lui avait reproché de défigurer son calendrier par le changement de Fervidor en Thermidor. On se montrait l'angle où siégeaient, se touchant le coude, les 7 représentants de la Haute-Garonne, qui appelaient les premiers à prononcer leur verdict sur Louis XVI, avaient ainsi répondu, l'un après l'autre. Mail, la mort. Delmas, la mort. Projan, la mort. Calès, la mort. Héral, la mort. Julien, la mort. De Sacy, la mort. Éternelle répercussion qui emplit toute l'histoire et qui, depuis que la justice humaine existe, a toujours mis l'écho du sépulcre sur le mur du tribunal. On désignait du doigt, dans la tumultueuse mêlée des visages, tous ces hommes d'où était sorti le brouhaha des votes tragiques. Paganel qui avait dit « La mort, un roi n'est utile que par sa mort. » Millot qui avait dit « Aujourd'hui, si la mort n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Le vieux Raffron du Trouillet qui avait dit « La mort, vite !» Goupillot qui avait crié « L'échafaud, tout de suite, la lenteur aggrave la mort !» Seyès qui avait eu cette concision funèbre, la mort. Thuriot qui avait rejeté l'appel au peuple proposé par Buzot. Quoi ? Les assemblées primaires ? Quoi ? 44 000 tribunaux ? Procès sans terme ? La tête de Louis XVI aura le temps de blanchir avant de tomber. Augustin Beau Robespierre, qui, après son frère, s'était décrié « Je ne connais point l'humanité qui égorge les peuples et qui pardonne aux despotes. La mort ! Demander un sursis, c'est substituer à l'appel au peuple un appel au tyran. » Fousdoire, le remplaçant de Bernardin de Saint-Pierre, qui avait dit « J'ai en horreur l'effusion du sang humain, mais le sang d'un roi n'est pas le sang d'un homme. La mort !» Jean Bon Saint-André, qui avait dit « Pas de peuple libre sans le tyran mort. » La Vicomtrie, qui avait proclamé cette formule « Tant que le tyran respire, la liberté étouffe. La mort !» Château-Neuf-Randon, qui avait jeté ce cri « La mort de Louis le Dernier !» Guyardin, qui avait émis ce vœu « Qu'on l'exécute barrière renversée !» La barrière renversée, c'était la barrière du trône. Tellier qui avait dit « Qu'on forge, pour tirer contre un ennemi, un canon du calibre de la tête de Louis XVI !» Et les indulgents, gentils, qui avaient dit « Je vote la réclusion. Faire un Charles Ier, c'est faire un Cromwell. » Bancal qui avait dit « L'exil. Je veux voir le premier roi de l'univers condamné à faire un métier pour gagner sa vie. » Albouis qui avait dit « Le bannissement. Que ce sceptre vivant aille errer autour des trônes. » Zanchiacomi qui avait dit « La détention, gardons Capet vivant comme épouvantail. » Chaillon qui avait dit « Qu'il vive, je ne veux pas faire un mort dont Rome fera un saint. » Pendant que ces sentences tombaient de ses lèvres sévères et, l'une après l'autre, se dispersaient dans l'histoire, dans les tribunes, des femmes décolletées et parées comptaient les voix, une liste à la main, et piquaient les épingles sous chaque vote. Où est entrée la tragédie, l'horreur et la pitié, reste. Voir la Convention, à quelque époque de son règne que ce fut, c'était revoir le jugement du dernier Capet. La légende du 21 janvier semblait mêlée à tous ses actes. La redoutable assemblée était pleine de ces haleines fatales qui avaient passé sur le vieux flambeau monarchique allumé depuis 18 siècles et l'avaient éteint. Le décisif procès de tous les rois dans un roi était comme le point de départ de la grande guerre qu'elle faisait au passé. Quelle que fût la séance de la Convention à laquelle on assista, on voyait s'y projeter l'ombre portée de l'échafaud de Louis XVI. Les spectateurs se racontaient les uns aux autres la démission de Kersin, la démission de Roland, Duchâtel, le député de Le Sèvres, qui se fit apporter malade sur son lit, et mourant, vota la vie, ce qui fit rire Marat. Et l'on cherchait des yeux le représentant, oublié par l'histoire aujourd'hui, qui, après cette séance de 37 heures, tombé de lassitude et de sommeil sur son banc, et réveillé par l'huissier, quand ce fut son tour de voter, entr'ouvrit les yeux, dit « La mort !» et se rendormit. Au moment où ils condamnèrent à mort Louis XVI, Robespierre avait encore 18 mois à vivre, Danton 15 mois, Vergniaud 9 mois, Marat 5 mois et 3 semaines, le Pelletier Saint-Fargeau un jour. Court et terrible souffle des bouches humaines. Titre 8. Le peuple avait sur la Convention une fenêtre ouverte, les tribunes publiques, et quand la fenêtre ne suffisait pas, il ouvrait la porte, et la rue entrait dans l'Assemblée. Ces invasions de la foule dans ce Sénat sont une des plus surprenantes visions de l'histoire. Habituellement, ces irruptions étaient cordiales. Le carrefour fraternisait avec la chaise curule. Mais c'est une cordialité redoutable que celle d'un peuple qui, un jour, en 3 heures, avait pris les canons des Invalides et 40 000 fusils. À chaque instant, un défilé interrompait la séance. C'étaient des députations admises à la barre, des pétitions, des hommages, des offrandes. La pipe d'honneur du faubourg Saint-Antoine entrait, portée par des femmes. Des Anglais offraient 20 000 souliers aux pieds nus de nos soldats. Le citoyen Arnoux, disait le moniteur, curé d'Aubignan, commandant du bataillon de la Drôme, demande un marché aux frontières et que sa curie soit conservée. Les délégués des sections arrivaient, apportant sur des brancards des plats, des patènes, des calices, des ostensoirs, des monçons d'or, d'argent et de vermeil, offerts à la patrie par cette multitude en haillons, et demandaient pour récompense la permission de danser la carmagnole devant la convention. Chénard, Narbonne et Vallière venaient chanter des couplets en l'honneur de la montagne. La section du Mont-Blanc apportait le buste de Lepelletier, et une femme posait un bonnet rouge sur la tête du président qui l'embrassait. Les citoyennes de la section du Mail jetaient des fleurs aux législateurs. Les élèves de la patrie venaient, musique en tête, remercier la convention d'avoir préparé la prospérité du siècle. Les femmes de la section des gardes françaises offraient des roses. Les femmes de la section des Champs-Élysées offraient une couronne de chêne. Les femmes de la section du Temple venaient à la barre jurer de ne s'unir qu'à de vrais républicains. La section de Molière présentait une médaille de Franklin qu'on suspendait par décret à la couronne de la statue de la liberté. Les enfants trouvés, déclarés enfants de la République, défilaient, revêtus de l'uniforme national. Les jeunes filles de la section de 92 arrivaient en longue robe blanche et le lendemain, le moniteur contenait cette ligne. Le président reçoit un bouquet des mains innocentes d'une jeune beauté. Les orateurs saluaient les foules, parfois ils les flattaient. Ils disaient à la multitude « Tu es infaillible, tu es irréprochable, tu es sublime. Le peuple a un côté enfant, il aime ses sucreries. » Quelquefois, l'émeute traversait l'assemblée. Il entrait furieuse et sortait apaisée, comme le Rhône qui traverse le lac Léman et qui est de fange en y entrant et d'azur en en sortant. Parfois, c'était moins pacifique et Henriot faisait apporter devant la porte des Tuileries des grilles à rougir les boulets. Titre 9. En même temps qu'elle dégageait de la Révolution, cette assemblée produisait de la civilisation. Fournaise, mais forge. Dans cette cuve où bouillonnait la terreur, le progrès fermentait. De ce chaos d'ombre et de cette tumultueuse suite de nuages sortaient d'immenses rayons de lumière parallèles aux lois éternelles. Rayons restés sur l'horizon, visibles à jamais dans le ciel des peuples, et qui sont l'un la justice, l'autre la tolérance, l'autre la bonté, l'autre la raison, l'autre la vérité, l'autre l'amour. La Convention promulguait ce grand axiome. La liberté du citoyen finit où la liberté d'un autre citoyen commence, ce qui résume en deux lignes toute la sociabilité humaine. Elle déclarait l'indigence sacrée. Elle déclarait l'infirmité sacrée dans l'aveugle et dans le sourd-muet devenu pupille de l'État. La maternité sacrée dans la fille mère qu'elle consolait et relevait. L'enfance sacrée dans l'orphelin qu'elle faisait adopter par la patrie. L'innocence sacrée dans l'accusé acquitté qu'elle indemnisait. Elle flétrissait la traite des Noirs, elle abolissait l'esclavage. Elle proclamait la solidarité civique. Elle décrétait l'instruction gratuite. Elle organisait l'éducation nationale, par l'école normale à Paris, l'école centrale au chef-lieu et l'école primaire dans la commune. Elle créait les conservatoires et les musées. Elle décrétait l'unité de code, l'unité de poids et de mesure et l'unité de calcul par le système décimal. Elle fondait les finances de la France et, à la longue banqueroute monarchique, elle faisait succéder le crédit public. Elle donnait à la circulation le télégraphe, à la vieillesse les hospices de thé, à la maladie les hôpitaux purifiés, à l'enseignement l'école polytechnique, à la science le bureau des longitudes, à l'esprit humain l'institut. En même temps que nationale, elle était cosmopolite. Des 11 210 décrets qui sont sortis de la Convention, un tiers a un but politique, les deux tiers ont un but humain. Elle déclarait la morale universelle base de la société et la conscience universelle base de la loi. Et tout cela, servitude abolie, fraternité proclamée, humanité protégée, conscience humaine rectifiée, loi du travail transformée en droit et donneuse devenue secourable, richesse nationale consolidée, enfance éclairée et assistée, lettres et sciences propagées, lumière allumée sur tous les sommets, aide à toutes les misères, promulgation de tous les principes, la Convention le faisait, ayant dans les entrailles cette hydre, la Vendée, et sur les épaules ce tas de tigres, les rois. Titre 10. Lieu immense. Tous les types humains, inhumains et surhumains étaient là. Amas épique d'antagonisme. Guillotin évitant David. Bazire insultant Chabot. Gadet ralliant Saint-Just. Vergniaud dédaignant Danton. Louvet attaquant Robespierre, Buzot dénonçant égalité, Chambon flétrissant Pache, tous exécrant Marat. Et que de noms encore il faudrait enregistrer. Armonville, dit Bonnet Rouge, parce qu'il ne siégeait qu'en bonnet phrygien, ami de Robespierre et voulant, après Louis XVI, guillotiner Robespierre par goût de l'équilibre. Massieux, collègue et ménechme de ce bon Lamourette, évêque fait pour laisser son nom à un baiser. Le Hardi des Morbihans, stigmatisant les prêtres de Bretagne. Barère, l'homme des majorités qui présidait quand Louis XVI parut à la barre, et qui était à Paméla ce que Louvet était à l'Odelisca. L'oratorien Donou qui disait « Gagnons du temps !» Dubois de Crancé, à l'oreille de qui se penchait Marat. Le marquis de Châteauneuf, Laclos, héros de Seychelles qui reculait devant Henriot criant « Canonnier à vos pièces !» Julien, qui comparait la montagne aux Thermopyles. Gamon, qui voulait une tribune publique réservée uniquement aux femmes. Laloy, qui décernait les honneurs de la séance à l'évêque Gobel, venant à la convention déposer la mitre et coiffer le bonnet rouge. Le comte qui s'écriait « C'est donc à qui se déprêtrisera ?» Ferraud, dont Boissy d'Anglas saluera la tête, laissant à l'histoire cette question. Boissy d'Anglas a-t-il salué la tête, c'est-à-dire la victime, ou la pique, c'est-à-dire les assassins? Les deux frères Duprat, l'un montagnard, l'autre girondin, qui se haïssaient comme les deux frères Chénier. Il s'est dit à cette tribune de ces vertigineuses paroles qui ont quelquefois, à l'insu même de celui qui les prononce, l'accent fatidique des révolutions, et à la suite desquelles les faits matériels paraissent avoir brusquement on ne sait quoi de mécontent et de passionné, comme s'ils avaient mal pris les choses qu'on vient d'entendre. Ce qui se passe semble courroucé de ce qui se dit. Des catastrophes surviennent furieuses et comme exaspérées par les paroles des hommes. Ainsi, une voix dans la montagne suffit pour détacher l'avalanche. Un mot de trop peut être suivi d'un écroulement. Si on n'avait pas parlé, cela ne serait pas arrivé. On dirait parfois que les événements sont irascibles. C'est de cette façon, c'est par le hasard d'un mot d'orateur mal compris, qu'est tombée la tête de Madame Élisabeth. À la Convention, l'intempérance de langage était de droit. Les menaces volaient et se croisaient dans la discussion comme les flammèches d'un incendie. Pétion, Robespierre, venez au fait! Robespierre, le fait c'est vous, Pétion, j'y viendrai et vous le verrez. Une voix, mort à Marat! Marat, le jour où Marat mourra, il n'y aura plus de Paris, et le jour où Paris périra, il n'y aura plus de République. Billaud-Varenne se lève et dit, nous voulons! Barère l'interrompt, tu parles comme un roi! Un autre jour, Philippot, un membre a tiré l'épée contre moi! Audouin, président, rappelez à l'ordre l'assassin! Le président, attendez! Panis, président, je vous rappelle à l'ordre, moi! On riait aussi rudement. Le cointre, le curé du champ debout se plaint de Fauchet, son évêque, qui lui défend de se marier. Une voix, je ne vois pas pourquoi Fauchet, qui a des maîtresses, veut empêcher les autres d'avoir des épouses. Une autre voix, prêtre, prends femme! Les tribunes se mêlaient à la conversation, elles tutoyaient l'assemblée. Un jour, le représentant Ruamps monte à la tribune. Il avait une hanche beaucoup plus grosse que l'autre. Un des spectateurs lui cria « Tourne ça du côté de la droite, puisque tu as une joue à la David !» Telles étaient les libertés que le peuple prenait avec la Convention. Une fois pourtant, dans le tumulte du 11 avril 1793, le président fit arrêter un interrupteur des tribunes. Un jour, cette séance a eu pour témoin le vieux Buonarroti. Robespierre prend la parole et parle 2 heures. Regardant Danton tantôt fixement, ce qui était grave, tantôt obliquement, ce qui était pire. Il foudroie à bout portant. Il termine par une explosion indignée, pleine de mots funèbres. On connaît les intrigants, on connaît les corrupteurs et les corrompus, on connaît les traîtres. Ils sont dans cette assemblée, ils nous entendent, nous les voyons et nous ne les quittons pas des yeux. Qu'ils regardent au-dessus de leur tête et ils y verront le glaive de la loi. Qu'ils regardent dans leur conscience et ils y verront leur infamie. Qu'ils prennent garde à eux. Et quand Robespierre a fini, Danton, la face au plafond, les yeux à demi fermés, un bras pendant par-dessus le dossier de son banc, se renverse en arrière et on l'entend fredonner. Cadet-Roussel fait des discours qui sont pas longs quand ils sont courts. Les imprécations se donnaient la réplique. Conspirateur, assassin, scélérat, factieux, modéré. On se dénonçait au buste de Brutus qui était là. Apostrophe, injure, défi. Regard furieux d'un côté à l'autre. Poing montré, pistolet entrevu, poignard à demi tiré, et énorme flamboiement de la tribune. Quelques-uns parlaient comme s'ils étaient adossés à la guillotine. Les têtes ondulaient, épouvantées et terribles. Montagnards, girondins, feuillants, modérantistes, terroristes, jacobins, cordeliers, 18 prêtres régicides. Tous ces hommes, tas de fumée poussée dans tous les sens. Titre 11. Esprit en proie au vent. Mais ce vent était un vent de prodige. Être un membre de la Convention, c'était être une vague de l'océan. Et ceci était vrai des plus grands. La force d'impulsion venait d'en haut. Il y avait dans la Convention une volonté qui était celle de tous et n'était celle de personne. Cette volonté était une idée, indomptable et démesurée qui soufflait dans l'ombre du haut du ciel. Nous appelons cela la révolution. Quand cette idée passait, elle abattait l'un et soulevait l'autre. Elle emportait celui-ci en écume et brisait celui-là aux écueils. Cette idée savait où elle allait et poussait le gouffre devant elle. Imputer la révolution aux hommes, c'est imputer la marée aux flots. La révolution est une action de l'inconnu. Appelez-la bonne action ou mauvaise action, selon que vous aspirez à l'avenir ou au passé, mais laissez-la à celui qui l'a faite. Elle semble l'œuvre en commun des grands événements et des grands individus mêlés, mais elle est en réalité la résultante des événements. Les événements dépensent, les hommes paient. Les événements dictent, les hommes signent. Le 14 juillet est signé Camille Desmoulins. Le 10 août est signé Danton. Le 2 septembre est signé Marat. Le 21 septembre est signé Grégoire. Le 21 janvier est signé Robespierre. Mais Desmoulins, Danton, Marat, Grégoire et Robespierre ne sont que des greffiers. Le rédacteur énorme et sinistre de ces grandes pages a un nom, Dieu et un masque, Destin. Robespierre croyait en Dieu, certes. La révolution est une forme du phénomène immanent qui nous presse de toutes parts et que nous appelons la nécessité. Devant cette mystérieuse complication de bienfaits et de souffrances se dresse le « pourquoi » de l'histoire. Parce que cette réponse de celui qui ne sait rien est aussi la réponse de celui qui sait tout. En présence de ces catastrophes climatériques qui dévastent et vivifient la civilisation, on hésite à juger le détail. Blâmer ou louer les hommes à cause du résultat, c'est presque comme si on louait ou blâmait les chiffres à cause du total. Ce qui doit passer, passe. Ce qui doit souffler, souffle. La sérénité éternelle ne souffre pas de ces aquilons. Au-dessus des révolutions, la vérité et la justice demeurent comme le ciel étoilé au-dessus des tempêtes. Titre 12. Telle était cette convention démesurée. Camp retranché du genre humain, attaqué par toutes les ténèbres à la fois, feu nocturne d'une armée d'idées assiégées, immense bivouac d'esprit sur un versant d'abîme. Rien dans l'histoire n'est comparable à ce groupe, à la fois Sénat et populace, conclave et carrefour, aéropage et place publique, tribunal et accusé. La Convention a toujours ployé au vent, mais ce vent sortait de la bouche du peuple et était le souffle de Dieu. Et aujourd'hui, après 80 ans écoulés, chaque fois que devant la pensée d'un homme, quel qu'il soit, historien ou philosophe, la Convention apparaît, cet homme s'arrête et médite. Impossible de ne pas être attentif à ce grand passage d'ombre. Chapitre 2. Marat dans la coulisse. Comme il l'avait annoncé à Simone Évrard, Marat, le lendemain de la rencontre de la rue du Pan, alla à la Convention. Il y avait, à la Convention, un marquis maratiste, Louis de Manteau, celui qui plus tard offrait à la Convention une pendule décimale surmontée du buste de Marat. Au moment où Marat entrait, Chabot venait de s'approcher de Manteau. « Ci-devant » dit-il. Manteau leva les yeux. « Pourquoi m'appelles-tu ci-devant ? » « Parce que tu l'es. Moi ? Puisque tu étais marquis. »« Jamais ? Bah ! Mon père était soldat, mon grand-père était tisserand. »« Qu'est-ce que tu nous chantes là, Manteau ? » ?»« Je ne m'appelle pas Manteau. Comment donc t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Maribon. » »« Au fait, » dit Chabot, « cela m'est égal. » Et il ajouta entre ses dents, « C'est à qui ne sera pas marquis ?» Marat s'était arrêté dans le couloir de gauche et regardait Manteau et Chabot. Toutes les fois que Marat entrait, il y avait une rumeur. Mais loin de lui, autour de lui, on se taisait. Marat n'y prenait pas garde. Il dédaignait le coassement du marais. Dans la pénombre des bancs obscurs d'en bas, coupés de Loise, Prunel, Villard, Évêque, qui plus tard fut membre de l'Académie française, Boutrolles, Petit, Pléchard, Bonnet, Thibaudeau, Valdruche se le montraient du doigt. « Tiens, Marat, il n'est donc pas malade ?»« Si, puisqu'il est en robe de chambre. »« En robe de chambre ? Par Dieu, oui, il se permet tout. Il ose venir ainsi à la Convention. Puisqu'un jour, il y est venu coiffé de laurier, il peut bien y venir en robe de chambre. Face de cuivre et dents de vert de gris, sa robe de chambre paraît neuve. En quoi est-elle ? En reps, rayée. Regardez donc les revers. Ils sont en peau, de tigre. Non, d'hermine, fausse. Et il a des bas, c'est étrange, et des souliers à boucles, d'argent. Voilà ce que les sabots de Camboulas ne lui pardonneront pas. Sur d'autres bancs, on affectait de ne pas voir Marat. On causait d'autre chose. Santonatz abordait du Soult. Vous savez du Soult ? Quoi ? Le ci-devant comte de Brienne ? Qui était à la force avec le ci-devant duc de Villeroy ? Oui, Je les ai connus tous les deux, eh bien ?» Ils avaient si grand-peur qu'ils saluaient tous les bonnets rouges de tous les guichetiers, et qu'un jour, ils ont refusé de jouer des parties de piquet, parce qu'on leur présentait un jeu de cartes à roi et à reine. Eh bien, on les a guillotinés hier. Tous les deux ? Tous les deux. En somme, comment avaient-ils été dans la prison ? Lâches. Et comment ont-ils été sur l'échafaud ? Intrépides. Et Dussault jetait ses exclamations. Mourir est plus facile que vivre. Barrère était en train de lire un rapport. Il s'agissait de la Vendée. 900 hommes du Morbihan étaient partis avec du canon pour secourir Nantes. Redon était menacé par les paysans. Paimboeuf était attaqué. Une station navale croisait à Mindrin pour empêcher les descentes. Depuis Ingrandre jusqu'à Mort, toute la rive gauche de la Loire était hérissée de batteries royalistes. 3000 paysans étaient maîtres de Pornic. Ils criaient « Vive les Anglais !» Une lettre de Santerre à la Convention, que Barrère lisait, se terminait ainsi. « 7000 paysans ont attaqué Vannes. Nous les avons repoussés et ils ont laissé dans nos mains 4 canons. Et combien de prisonniers ?» interrompit une voix. Barrère continua. Post-scriptum de la lettre. « Nous n'avons pas de prisonniers parce que nous n'en faisons plus. » Marat, toujours immobile, n'écoutait pas. Il était comme absorbé par une préoccupation sévère. Il tenait dans sa main et froissait entre ses doigts un papier, sur lequel quelqu'un qui l'eût déplié eût pu lire ces lignes qui étaient de l'écriture de Momoro et qui étaient probablement une réponse à une question posée par Marat. « Il n'y a rien à faire contre l'omnipotence des commissaires délégués, surtout contre les délégués du comité de salut public. » Génisieux a eu beau dire dans la séance du 6 mai « Chaque commissaire est plus qu'un roi, cela n'y fait rien, ils ont pouvoir de vie et de mort. Massade à Angers, Trullard à Saint-Amand, Nyon près du général Marsay, Parrain à l'armée des Sables, Millière à l'armée de Niort sont tout puissants. Le club des Jacobins a été jusqu'à nommer Parrain général de brigade. Les circonstances absolvent tout. Un délégué du comité de salut public tient en échec un général en chef. » Marat acheva de froisser le papier, le mit dans sa poche et s'avança lentement vers Montaut et Chabot qui continuaient à causer et ne l'avaient pas vu entrer. Chabot disait « Maribon ou Montaut, écoute ceci. Je sors du comité de salut public. Et qui fait-on ? On y donne un noble à garder à un prêtre. Ah ! Un noble comme toi. Je ne suis pas noble, dit Montaut. À un prêtre, comme toi. Je ne suis pas prêtre, dit Chabot. » Tous deux se mirent à rire. « Précise anecdote, repartit Montaut. Voilà ce que c'est. Un prêtre appelé Simourdin est délégué avec plein pouvoir près d'un vicomte nommé Gauvin. Ce vicomte commande la colonne expéditionnaire de l'armée des côtes. Il s'agit d'empêcher le noble de tricher et le prêtre de trahir. « C'est bien simple, répondit Montaut. Il n'y a qu'à mettre la mort dans l'aventure. »« Je viens pour cela, dit Marat. » Il leva la tête. « Bonjour Marat, dit Chabot. Tu assistes rarement à nos séances. » « Mon médecin me commande les bains, » répondit Marat. « Il faut se défier des bains, » reprit Chabot. « Sénèque est mort dans un bain. » Marat sourit. « Chabot, il n'y a pas ici de Néron. »« Il y a toi, » dit une voix rude. C'était Danton qui passait et qui montait à son banc. Marat ne se retourna pas. Il pencha sa tête entre les deux visages de Montaut et de Chabot. « Écoutez, je viens pour une chose sérieuse. Il faut qu'un de nous trois propose aujourd'hui un projet de décret à la Convention. » « Pas moi, dit Montaut. On ne m'écoute pas, je suis marquis. »« Moi, dit Chabot, on ne m'écoute pas, je suis capucin. » »« Et moi, dit Marat, on ne m'écoute pas, je suis Marat. » Il y eut entre eux un silence. Marat, préoccupé, n'était pas aisé à interroger. Montaut, pourtant, hasarda une question. « Marat, quel est le décret que tu désires ?»« Un décret qui punisse de mort tout chef militaire qui fait évader un rebelle prisonnier. » Chabot intervint. « Ce décret existe, on a voté cela fin avril. » Alors, c'est comme s'il n'existait pas, dit Marat. Partout, dans toute la Vendée, c'est à qui fera évader les prisonniers, et l'asile est impuni. Marat, c'est que le décret est en désuétude. Chabot, il faut le remettre en vigueur, sans doute. Et pour cela, parlez à la Convention. Marat, la Convention n'est pas nécessaire. Le comité de salut public suffit. Le but est atteint, ajouta Montaut, si le comité de salut public fait placarder le décret dans toutes les communes de la Vendée, et fait 2 ou 3 bons exemples. « Sur les grandes têtes, » reprit Chabot, « sur les généraux. » Marat grommela. « En effet, cela suffira. » « Marat, » repartit Chabot, « va toi-même dire cela au comité de salut public. » Marat le regarda entre les deux yeux, ce qui n'était pas agréable, même pour Chabot. « Chabot, » dit-il, « le comité de salut public, c'est chez Robespierre. Je ne vais pas chez Robespierre. »« J'irai, moi, » dit Montaut. « Bien, » dit Marat. Le lendemain, était expédié dans toutes les directions un ordre du comité de salut public, enjoignant d'afficher dans les villes et villages de Vendée et de faire exécuter strictement le décret portant peine de mort contre toute connivence dans les évasions de brigands et d'insurgés prisonniers. Ce décret n'était qu'un premier pas. La Convention devait aller plus loin encore. Quelques mois après, le 11 Brumaire en 2, novembre 1793, à propos de Laval qui avait ouvert ses portes aux Vendéens fugitifs, elle décréta que toute ville qui donnerait asile aux rebelles serait démolie et détruite. De leur côté, les princes de l'Europe, dans le manifeste du duc de Brunswick, inspiré par les émigrés et rédigé par le marquis de Lannon, intendant du duc d'Orléans, avait déclaré que tout Français pris les armes à la main serait fusillé et que si un cheveu tombait de la tête du roi, Paris serait rasé. Sauvagerie contre barbarie. Fin de la section 8.